Elle tremblait, comme si elle venait d'assister à quelque sinistre accident. Elle s'assit de nouveau devant son feu, puis demanda « Comment va-t-elle » Julien, préoccupé, nerveux, marchait à travers l'appartement. Et une colère semblait le soulever. Il ne répondit point d'abord. Puis, au bout de quelques secondes, s'arrêtant. « Qu'est-ce que tu comptes faire de cette fille ?» Elle ne comprenait pas et regardait son mari. « Comment ? Que veux-tu dire ? Je ne sais pas, moi. » Et soudain, il cria, comme s'il s'emportait. « Nous ne pouvons pourtant pas garder un bâtard dans la maison !» Alors Jeanne demeura très perplexe. Puis, au bout d'un long silence, « Mais mon ami, peut-être pourrait-on le mettre en nourrice ?» Il ne la laissa pas achever. « Et qui est-ce qui paiera ? Toi, sans doute !» Elle réfléchit encore longtemps, cherchant une solution. Enfin, elle dit, « Mais le père s'en chargera de cet enfant. Et s'il épouse Rosalie, il n'y a plus de difficulté. » Julien, comme à bout de patience et furieux, reprit, « Le père, le père ! Le connais-tu, le père ? Non, n'est-ce pas ? Eh bien, alors ?» Jeanne, émue, s'animait. « Mais il ne laissera certainement pas cette fille ainsi. Ce serait un lâche. Nous demanderons son nom, et nous irons le trouver, lui. Il faudra bien qu'il s'explique. » Julien s'était calmé et remis à marcher. « Ma chère, elle ne veut pas le dire, le nom de l'homme. Elle ne te l'avouera pas plus qu'à moi. Et s'il ne veut pas d'elle, lui, nous ne pouvons pourtant pas garder sous notre toit une fille mère avec son bâtard, comprends-tu ? » Jeanne, obstinée, répétait. « Alors, c'est un misérable, cet homme. Mais il faudra bien que nous le connaissions. Et alors, il aura affaire à nous. » Julien, devenu fort rouge, s'irritait encore. « Mais, en attendant !» Elle ne savait que décider et lui demanda. « Qu'est-ce que tu proposes, toi ?» Aussitôt, il dit son avis. « Oh, moi, c'est bien simple. Je lui donnerai quelque argent et je l'enverrai au diable avec son mioche. » Mais la jeune femme, indignée, se révolta. « Quant à cela, jamais. C'est ma sœur de lait, cette fille. Nous avons grandi ensemble. Elle a fait une faute, tant pis. Mais je ne la jetterai pas dehors pour cela. Et s'il le faut, je l'élèverai, cet enfant. » Alors, Julien éclata. « Et nous aurons une propre réputation, nous autres, avec notre nom et nos relations. Et on dira partout que nous protégeons le vice, que nous abritons des gueuses. Et les gens honorables ne voudront plus mettre les pieds chez nous. Mais à quoi penses-tu, vraiment ? Tu es folle. » Elle était demeurée calme. « Je ne laisserai jamais jeter dehors Rosalie. Et si tu ne veux pas la garder, ma mère la reprendra. Il faudra bien que nous finissions par connaître le nom du père de son enfant. » Alors, il sortit exaspéré, tapant la porte et criant : « Les femmes sont stupides avec leurs idées !»